passe, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey, libre comme l'air. Et vive le rock libre! Nous interrompons l'émission en cours pour vous présenter un bulletin spécial d'information. Spécial retour sur le Puzza Palooza. Skypunka émission 540. Les bonnets rouges, émission 74. Yeah! Allons-y avec les Gutter Demons et leur classique Room 209. To the barbaric killings that are being committed in this city. Police have no leads. The killer is still out there. Gutter Demon avec Room 209. Les Gutter Demon qui étaient en spectacle la semaine passée au Puzza Palooza Et je peux vous dire que les Gutter Demon sont vraiment revenus en feu comme à l'époque. Ouais, on a vraiment retrouvé les bons vieux Gutter Demon. Ils étaient dedans, tabarnouche. En tout cas, donc, vous avez sûrement remarqué que ce n'est pas Adrien qui parle, c'est le camarade B. Pourquoi? Ben, c'est que Adrien n'est pas là aujourd'hui pour les bonnets rouges. Ce qui me fait dire que pour les bonnets rouges, ce serait l'émission numéro 74. Même si Adrien ne vous le dit pas tout le temps, là, où il en est rendu dans ses émissions, mais ce serait la 74e aujourd'hui. Tandis que pour Skypunka, puisque je commence une heure à l'avance, ben, en tout cas, on est rendu dans la 540e. Et pourquoi avons-nous fait les deux émissions en même temps? Et pas juste Skypunka tout court. Eh bien, c'est que la semaine passée, Adrien et moi, nous avons fait plusieurs entrevues au Puzzapalooza avec, entre autres, The Gutter Demon, The Brains, The Vibrator, The Beatdown et la formation Tomorrow's, qui a été une formation que nous avons découvert à ce spectacle-là, ou plutôt à ce festival-là. Alors, on va commencer justement avec une entrevue avec à la fois The Gutter Demon et The Brains. Et puis, à la fin de l'entrevue, nous aurons la pièce de la formation The Brain, Pourquoi me laisser? Puis après ça, nous allons enchaîner avec l'entrevue que j'ai faite avec The Vibrators. Pardonnez mon anglais si jamais vous le trouvez un petit peu médiocre, là. Mais quand même, faut dire que lorsqu'on fait une entrevue avec un British, ça prend un petit peu plus d'oreilles. Mais ça a quand même très bien été, j'ai bien aimé mon expérience. C'était avec Lord Drummer, soit dit en passant, qui est maintenant le seul membre original des Vibrators. Et pour The Vibrators, vous serez la chanson « You Broke My Heart » à la demande justement de leur nouveau guitariste. Donc sur ce, allons-y sans plus tarder avec l'entrevue des Gutter Demon et des Brains qui s'appelle l'entrevue, puis qui sera suivie par la suite de la pièce « Pourquoi me laisser des Brains ?» Allez, allons-y en entrevue. Ça commence de cette façon-là. C'est une interview des Gutter Demon et de The Brains au Puzza Fest pour Skypunka et les Bonnets Rouges. Et j'ai envie de commencer par une question un petit peu simple, parce qu'on vient d'en discuter tout juste à l'instant avant d'en commencer l'enregistrement. Votre expérience européenne? C'est toujours agréable, expérience européenne. Ils savent traiter très bien les groupes. Ils savent faire le party, des foules enthousiastes, tout le temps. Beaucoup de monde. Vraiment, j'ai rien à dire. Que des bonnes expériences en Europe. The Brain. Ouais. Pour nous, c'était malade mental. Ouais. C'est écœurant. C'est magnifique. C'est 6 semaines. On a commencé en Espagne. C'est chaud. On a les mêmes t-shirts, moi, puis. Ouais. On avait joué au plusieurs festivals. On s'est pas appelé avant. On a joué à Pineda. Au tout début. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. On s'est rencontrés là-bas. On s'est retrouvés avec les Coffin Cats aussi, qu'on est tous bien amis. Puis, ouais. On a revu tous les copains psycho qu'on s'est fait à travers les années. Là. Et qui gérait ça, cette tournée-là, avant? Ben, qui gérait toute la tournée pour tout vous réunir? Ça, c'est à eux que tu demandes. Oh. Pour nous, c'est surtout nos bookers européennes. OK. MAD Booking. MAD Booking, puis Hidden Talent pour Angleterre. Puis il y avait beaucoup de gens. On a fini au Rebellion Fest, en plus. Alors, c'était facile. C'était long, mais c'était semaine. Une petite question qui est peut-être difficile à répondre, je sais pas, on veut froisser personne. Est-ce que vous avez préféré un pays, un public d'un pays ou d'un autre ou pas? Les Français sont fous. Les Français sont fous. Pourquoi sont fous? Non, ben, c'est l'accueil, quand on y a été il y a déjà plusieurs décennies de ça, le public français était très, très, très chaleureux. Puis, il y a même des gens, en fait, qui nous suivaient de ville en ville pour vraiment voir tous les concerts qu'on faisait. Ils ont vraiment voyagé, entre guillemets, avec nous pour les dates françaises. Sinon, les Allemands sont comme la Sainte Sacrobérie là-bas, c'est fort. C'est vraiment quelque chose. Et on m'attend que ça fait très longtemps que tu es implanté. Un des meilleurs groupes dans le monde pour la Sacrobérie, c'est sûr. On a joué à Munich. Ouais, la chanteuse de Madison avait nous joint sur la scène, c'est fake. Il a demandé aux fans, c'est une dernière chanson, vous n'avez pas d'autres chansons. C'est comme il a fait gueuler le crowd là. Vous êtes d'autres en Allemagne. Vous avez joué quoi? On a improvisé Mystery Train. Ouais. Ouais, la vieille tune rockabilly. Tout le monde en fait, c'est du rockabilly, c'est pas du rockabilly. Ouais. Les Allemands, c'est ça, les Allemands, la scène allemande, ils... que ce soit du psycho, du punk ou de la scène skin, toutes les scènes sont très fortes. Ils embarquent. Les Allemands, quand ils embarquent dans quelque chose, c'est vraiment à fond Lyon. C'est vraiment un way of life. C'est ton skinhead, ton skinhead. Ouais. Au bout des ongles, la même chose avec les psychos, les punks. Ils vivent leur truc vraiment à complètement à fond. La Finlande aussi, c'est vraiment cool. On a fait une tournée là-bas en février, je crois. Yeah. Et on a fait quoi, 10 jours? Ouais, en hiver. C'était vraiment intense. Ouais. Full neige partout, là. La vanne, vraiment merdique avec plein de bières. Tout le monde, plein de bières, tout le temps, plein de bières, tout le temps dans la vanne. Ouais, tout le temps. Déjeuner, à la base, tout le temps. Toujours. Ils sont super grands aussi, là. Fait que c'est rien pour eux autres, on dirait. Ouais, comme partie de leur diète. Ils aiment ça, les saunas. On saute la gueule, puis ils font tout le temps des saunas pour aller à la fin de la soirée. Ils vivent genre à 14h. Je sais pas, mais... Ça me donne envie de poser la question, c'est lequel parmi vous qui ramène le plus? Quel plus de succès auprès des femmes? Erwan. Hey! Erwan. Hey. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à les Gutter Demon à vous réunir ou à revenir sur scène? On s'ennuyait, puis je pense que la question qu'on s'est posée, c'était pourquoi pas. Ouais. Puis à partir de là, on a recommencé à pratiquer un peu. Ben, c'est ça, juste pour voir si la chimie est encore là, on est encore connectés, parce que bon, à l'époque, moi, dans l'été, on jouait vraiment beaucoup. J'ai l'époque de votre troisième album. Ouais. Ouais. Puis là, ben, avec le temps, on a arrêté quand même 6 ans. Fait que là, il fallait qu'on voit si on avait encore un intérêt, si on connectait encore par rapport à ça. Puis, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Vraiment, ça m'a pris, on avait laissé. Non, vraiment, ça nous a manqué. On a tous été occupés entre-temps. Moi, j'ai eu beaucoup de groupes aussi. Pour le Matchless. Le Matchless, les Steelworkers de Montréal, les Steelphonics. J'en ai fait tout ce qui est vraiment... C'est correct, là. C'est mon band. Vraiment, ça fallait revenir, puis les gens s'ennuyaient, puis nous on s'ennuyait, puis là, je pense que c'est le temps de revenir, puis on revient, puis on va faire, je pense qu'on est là pour rester, puis on va faire des nouvelles, on va travailler sur de nouveaux matériels, on commence à travailler sur de nouvelles choses, des nouveaux trucs, fait, faut s'attendre à, on sort de quoi, peut-être sur printemps 2015 ou quelque chose comme ça, là. Okay. On est, ça s'en vient. Là, vous avez plusieurs nouvelles pièces. On a commencé à faire ça, on a pris le temps de revisiter toutes nos vieilles chansons parce qu'on a un nouveau batteur avec nous, on a Erwan, donc il fallait qu'il apprenne vraiment le vieux matériel, donc on s'est concentré là-dessus depuis la dernière année si tu veux, puis maintenant là, on est prêt à aller plus loin. J'aurais aussi une question un petit peu sur les nouveautés, mais plutôt pour The Brains, parce que je voyais que vous étiez un petit peu au niveau des dates, vous avez moins de dates là maintenant après une très grosse tournée, est-ce que vous êtes déjà en train de vous pencher sur un nouvel album ou prendre un petit peu de temps pour avant ça? Ouais. Nous sommes déjà en train d'écrire un nouveau album. Puis on va sortir un genre mini-album des chansons cover en octobre, je pense. Des covers? Ouais. Et on fait 4 ou 5 covers là-dessus. Ça va être super fun. Puis ouais. Des covers de quel groupe? Plusieurs. C'est un peu secret encore. Okay. Mais on va lancer ça bientôt. Ouais. Et est-ce qu'on pourra quand même avoir en avant-première sur C'est Fou pour une idée un petit peu de ce qu'il y aura quand sera le temps de sortir ça? Pardon, quoi? Est-ce que... Ah oui, on va vous tenir au courant de ce qui arrive aussi. Là, on est en plein de... On est supposé finir l'album à la fin de septembre. Okay. Donc, on a besoin de travailler ça. Toujours sur Stormbreaker? Oui, absolument. La relation avec le staff, ça va bien? Oui, c'est cool. Yeah, ils sont vraiment cool, c'est comme une famille. Oui. Et ils s'occupent de nous, puis ça va toujours bien. Les Gutters, vous savez, exploiter un genre de label ou pour l'instant, par contre, nous? Nous, on fait affaire avec Falsetto, on les dit Falsetto. OK. C'est tout nouveau, tout chaud, ça vient de grande bête. C'est quand même un certain temps que les gens travaillent avec d'autres artistes, mais là, on s'est mis à nous. Nous, avec les Brains, on va partager la scène encore. Ça fait longtemps, nous autres, quand même, que vous partagez la même scène. Oui, Brains, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de show. Mais à l'époque, je veux dire, ça... Oui. Non, mais même à l'époque, on faisait des shows ensemble, puis à partir, à un moment donné, bon, les Brains sont partis aussi de leur propre duel, fait que chacun faisait ses trucs. Chacun est parti de son bord faire ses trucs. Fait que donc, même à la fin de Gutter Demon, en 2008, on ne jouait plus avec les Brains. Non, puis là, on avait la date en Espagne avec eux. Ici, ce soir, on joue avec eux à Saint-Hyacinthe. On va jouer aussi ensemble à Montréal en octobre. Okay. Et c'est drôle, c'est comme à revenir avant bien des choses. C'est bon, 7 ans en arrière à peu près. Ouais. Ah, mais t'es un bonhomme, là. Ouais. On est juste plus faire une entrevue non plus, hein. Ça t'en rappelle. La vie, c'est le jeu. Bon, ben, je pense que c'est tout. Fait que je vous souhaite aux deux groupes très bonne tournée, très longue vie, puis vive le psycho. Merci beaucoup. Bon, alors, c'était l'entrevue avec les Gutter Demon et The Brains. Pardonnez le soundcheck de Groovy Aardvark. Je sais, des fois, ça a un petit peu embarqué par-dessus ce que les Gutter et ce que The Brains disaient. Mais que voulez-vous? On a vraiment essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Et rendu à l'heure qu'il était, c'était quand même assez difficile de se trouver un endroit tranquille pour faire les entrevues là-bas à la Veltrie. Mais là, ça m'amène à vous dire que nous allons continuer immédiatement avec l'entrevue que j'ai fait avec The Vibrators. Entre deux portes de la sortie de la salle qu'il y avait là-bas, là, qui au moins, là, c'était plus insonorisé, car là, suite au soundcheck de Groovy Hardvart, ça aurait été impossible de faire l'entrevue à l'endroit où nous l'avions fait quelques minutes avant avec The Brains et The Gutter Demon. Bref, allons-y avec The Vibrators. Ça sera suivi, bien sûr, de la pièce You Broke My Heart de la même formation. Après ça, quelques petits messages publicitaires. Et nous continuerons avec The Big Down. Mais ça, c'est quand même pas mal plus loin, là. Allez, hop, The Vibrators en entrevue. C'est rare, ça. Since how many years did the Vibrators exist? We started in February 1976. Before? So we've been going 38 years, 38 and a half years. A long time. Yeah, a very long time. And this year you were very young. No, I wasn't even very young. Yeah. I was sort of, what was I, 25 when this band started. Oh yeah. All the member, or? Yeah, 76. I was 24 when it started, and 25 pretty soon after. We started in February. My birthday's in April, so yeah. I'm just a young boy then. And how many studio album did you have? Well, that's a good question. I can't remember. I think it's about three compilations, live albums. Studio album coming out under another title. No, there's a lot. I think we've done about, I think it's 16 or 18 studio albums. Yeah, it's quite a lot. Yeah, it's quite a lot. There's a new one coming out soon. Yeah, the new one that's going to be called Punk Mania. That's out in September. Who will sing on this album? Well, everyone's singing on it, apart from me. I'm doing the backing vocals. Mainly Knox. And then Daryl singing a couple, Pete singing a few. So the vocals are split around the band, you know, like they were when we first started, you know, with the first albums. And, well, this year, how many original members of the Vibrator are you now? Well, I'm sure it's just me. I mean, Pete's been with us, he's a new boy, he's only been with us 12 years. Okay. Daryl was in us in 1996 for a year, and then he's back again for the last 2.5 years. So he's been around for a while. And then when we're in the studio, Knox is there as well, and he's been there from the start. Knox just can't tour at the moment because he's getting a bit old and fragile. So he's got to look after himself and stay at home. So, but he's doing the recording, doing all the writing. So we go back, he's got a load of new songs, we go in the studio and record them. Yes. It's a bit like the Brian Wilson situation that they had with the Beach Boys. But didn't Knox would do some new tour again with you, or...? No, I don't think he'll go on tour with us again now. He's getting a bit old and fragile. He's got nothing serious, but, you know, he just has days when he can't tour. So. He writes great songs. Yeah. Yeah. And that's what we think. Yeah, that's right. Do you like to be in tour? Yeah, for me, it's a way of life. It's just what you do. If you're a musician, touring is what you do. You have to. The only way you can exist as a musician, particularly these days, is to go out on tour and make money. That is correct. No, and that is how we do it, yeah. Keep on working. Okay. Can you tell me the name of your new album or future album? Yeah, the last album was called On the Guest List. That's on Cleopatra. And they wrote in a bunch of friends and people like Chris Bedding, who did a second single with us, and he's on it. You know, Pete Shelley from the Buzzcocks, Brian James from the Damned, Hugh Cornwall, Wayne Kramer, the Super Suckers, there's a bunch of American bands, all sorts of people like that are on it, and they've guested on it. And then in September, we've got a new album coming out called Punk Mania, which has got Daryl has done all the guitaring on that. There's a little guest appearance by Nick. On which label? That's on Cleopatra as well. Okay. Yeah, Nicky Garrett from the Subs is playing some guitar on that. On the American version, but not on the English version. So there's two versions of that coming out. Okay. And in your life, do you only play music for the vibrators, both of you, or you do something else? Well, as soon as we do about 120 gigs a year and do an album a year and rehearsals and everything, there's no time to do anything else. Okay. It's very hard to orchestrate a separate schedule away from the vibrators. You've got to, you know, you'd have to be like very committed to get that kind of thing together. However, now and again it happens. You know, I had the Madam Zodiac EP out on Sun Thunder Records beginning of this year, and you know that's been, you know, tickling around us, hanging around. You know, I don't have to do many gigs or anything, but you know. Still do a few other things outside the band here and there, you know. We did that in a day off. I did the drumming on some of that. I just got one drummer and another drummer, and I did that in a day off while we were in Spain. Santander. Okay. Hence Sun Thunder Records. I would like to know... Zodiac EP. Got a chimpanzee on the cover. Yeah. I would like to know... what are your greatest influence in rock and roll or in punk rock? Well, the punk rock didn't exist before we started, so we got the ball rolling with all these other bands like the Clash and the Damned. So all my heroes from were from, you know, 50s and 60s bands, people like Chuck Berry, Eddie Cochran, Little Richard, The Who, The Kinks, The Stones. Like all mini old punk rocker. Yeah, Iggy Pop, Lou Reed, everything from the 50s and 60s that rocked. I was there. So, Daryl's probably got different ones. No, you know, they're all there. All the classics, you know. Loads of them. Steve Marriott, Jimi Hendrix. Faces. Ron Wood, Ron Lane, you know, those kind of people. You know. I would like to know something. What do you think about the new punk rock scene? It's pretty cool. Yeah, everything's good. I think some of the bands tend to be a bit samey. They need to kind of like just do a bit more variety in the material, but yeah, it's very friendly. All the people are really nice. You know, everywhere you go, everyone's honest and trustworthy and friendly and helpful. Your band doesn't get nicked. No. So for you, punk rock, positive vibrations. Yeah. People are very nice at punk rock gigs. I mean, you know, sometimes you go to like a mainstream club and there's all these people. Nine guys on, yeah. And when you kind of punk rock gigs, everybody's nice, everybody's charming, friendly, it's great. Everyone thinks it's going to be hard and threatening, but it's not, it's really just a lot of fun. Did you know how many tours did you do in North America? Oh. Since the beginning of your band, God, I think we've done about 10 in Canada and about 15 or 18 in America, I can't remember. We've done quite a lot. In a world, did you have a place that you prefer to play, or you like to play everywhere? Canada's been good. Why? Yeah, today was great. That was a good, you'll always remember that, you know, the beach, the sea, you know. Yeah, it was one of those, you know, it was up in the upper echelons, you know, memorable gigs I had played. Tonight will always be one of those, I think. And just something, would you like to play, for like the major band of the night? Well, headline, I mean, yeah, it doesn't matter. I mean, we just go out there and play and enjoy it. You know, the people are there, they enjoy the music, that's safe. Sometimes it's better just to get on stage and not have too much hanging around. Yeah. That's why I left it today, on stage. Well, we tried a long way to be here, though, yeah. We played last night at 2 in the morning, finished at 3, got in the bed at 4. Got up at half past 8, had an hour. It's hard to wait until we started playing, so that's kind of tough. So that's the way it goes. No one said it was going to be easy. Okay, so, well, that's all for me, but thanks. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you, man. So, bye from Eddie and bye from Darryl. See you soon. Good night. Bonsoir et merci, monsieur. Yeah. Vous écoutez toujours Sky Panka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières, avec le camarade B, dans ce spécial qui est un mix à la fois de Sky Panka émission 540 et des Bonnets Rouges émission 74 en l'absence d'Adrien, je le remplace. Et comme j'ai dit précédemment, puisqu'on a fait plusieurs entrevues au Pouza, voyons, au Pouza Palooza Fest qui avait lieu à la Veltrie la fin de semaine passée, eh bien, on a décidé justement de mettre toutes ces entrevues-là dans la première heure de l'émission, car aujourd'hui, vous avez un bon 3 heures de punk. Et ce sera comme ça, bien sûr, tout comme ça l'était lors de l'hiver et du printemps passé et de l'automne passé, car les Bonnets Rouges sont de retour tout juste avant Sky Panka, de 20h à 21h, et puis, ben, comme vous savez, moi, je suis ici de 21h à 23h. Et c'est ça. Donc là, on s'en va en entrevue avec The Beatdown, qui sera suivi, bien sûr, de leur pièce Reggae Dance. Et après ça, puisque je vois le temps filer, nous allons enchaîner directement avec la formation Tomorrow's. Si vous avez envie de les situer quelque part, vous pouvez les situer là où ils pratiquent, c'est-à-dire à Le Gardeur. Mais ils viennent quand même de plusieurs villes différentes, dont un des membres vient de Trois-Rivières en plus. Et pour la pièce de la formation Tomorrow's, bien vous allez voir au cours de l'entrevue, on vous la dira, quelle pièce sera jouée sur leur album. Bref, allez, The Beatdown à Sky Panka et au Bonnets Rouges. Yeah! Et c'est une interview de Beatdown au Pouza Palooza pour Sky Panka et les Bonnets Rouges sur C'est fou. Yeah! Alors on va commencer avec Alex. Salut! Chanteur de la formation de Beatdown. Ouais. Hey, depuis le temps qu'on se connaît, hein? Les Beatdown, là, ça a évolué pas mal. Ouais. Ben, je veux dire, oui, c'est sûr. Toutes les bandes évoluent, c'est dans l'objectif de ne pas rester à la même place. Puis avec deux albums, je pense qu'on. On voit très bien la progression, puis on commence tranquillement à travailler sur un troisième, donc espérons qu'on voit encore plus des changements. Toujours sur Stump Record? Toujours sur Stump Record. Est-ce qu'on aurait une petite idée de la période ou de l'année vers laquelle il sortirait prochainement? Un an? Ben, disons aussi en 2020. Ouais, 2020. C'est quand même conservateur, j'allais dire 2045. Mais non, on vise 2015. Donc, on se donne un... En 2016, on n'est pas chanceux. Est-ce que vous existez encore sous le nom de One Night Band pour certaines fois, ou c'est vraiment juste comme The Beatdown maintenant? C'est principalement The Beatdown, à part une fois ou deux, trois ans, où on peut peut-être ressortir sous un autre nom, mais c'est pas le même projet, fait que ouais. un show, on a fait un show au Scafest de Montréal. Pas mal ça pour l'instant. Côté influence, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont vos influences, surtout pour The Big Down? Ben, sérieux, ça varie quand même. Là. C'est sûr que c'est un peu obvious qu'on écoute comme du reggae et du ska, mais honnêtement, pas tant que ça non plus. Il y a quand même beaucoup de trucs hors ska, reggae, qu'on écoute quand même beaucoup de comme de rock'n'roll, de garage, surf, ouais. Surf rock, beaucoup. Une de nos influences principales, c'est les cordes de cuir. comme René de la Muerte. Non, René, il aime bien les côtes de cuir, c'est sûr. J'espère qu'il va écouter ça. Ouais. Mais on tripe sa musique, fait que c'est pas parce qu'on joue du reggae et du ska qu'on écoute juste du reggae et du ska, on écoute plein d'affaires. Normal. Puis le cadre de Beatdown, bon, du reggae et du ska, donc tout ce qu'on écoute, Beatdown devient une genre d'éponge, qu'on ressort ça. Tu passes comme dans le moule Beatdown, puis ça ressort comme ça sort, mais. Pour ce qui est de ce qu'on écoute, c'est plein d'affaires. Là. Ça passe de Sheryl Crow à Boyz II Men. C'est Alex qui parle en ce moment, monsieur. Mais sinon, je veux dire, pour votre prochain album, est-ce qu'il y a des côtés, mettons, pour les paroles, est-ce que les paroles, mais aussi pour les textes, y a-t-il quelque chose qui vous touche plus? Ben, c'est sûr que les tunes, veux pas. On fait un album aux 2-3 ans, fait qu'on cumule des expériences personnelles, des expériences de groupe. Puis c'est un peu ça qui nous inspire à faire des chansons, puis c'est un peu ça qu'on aime, de ça qu'on aime parler. Fait que je dirais que la vie de tous les jours, puis principalement ça qui nous inspire des paroles. Vous autres, est-ce que vous aimeriez vraiment vivre de, tu sais, des beatdowns? Je veux dire, vivre de votre musique, ou vous préférez comme que beatdown reste un peu comme le side project, puis que vous aviez vos jobs à l'extérieur? Ben écoute, je pense que ce qu'on veut à tout prix, c'est faire de la musique qu'on veut faire. Je pense que côté compromis, je pense pas qu'on est prêt à faire compromis d'un bord ou de l'autre. Vraiment, on a le goût de faire ce qui nous plaît. À partir de là, si ça lève au point qu'on en vit, tant mieux. Puis sinon, ben, on continuera à laver des planchers. On va arrêter de travailler 2 jours semaine. Ben non, mais pour vrai, on est satisfait d'où on est présentement. Puis si ça va mieux, on va être encore plus content. Y'a-t-il plusieurs shows qui s'en viennent au festival, autant au Québec, au Canada ou qu'à l'extérieur, dans le monde? Ouais, ben on part en Europe en octobre. Okay. Puis sinon, on fait quelques dates au Québec et en Ontario à l'automne. Samedi prochain, Envoi les Macadam. Oui, Québec. Avec quel groupe que vous jouez? On joue avec Sublime, Tabarnouche, Madball. Toutes des bandes qui pushent plus que nous autres. Moi, je sais que j'ai encore manqué ce Preaching Whistle, mais bon. Ah, ouais, mais c'est vendredi. Ouais, c'est juste pas la même journée. Non. C'est la journée de l'émission. Mais sinon, je veux dire que ce côté comme projet à venir pour The Beatdown, est-ce que vous avez envisagé quelque chose ou vous voyez ça jour le jour? Bon, on s'est dit, ça fait un mois qu'on dit qu'on va commencer à travailler sur un nouvel album. Fait que là, on commence à cumuler des idées, puis on va se rencontrer bientôt pour mettre ça, commencer à coucher les nouvelles tonnes, puis amorcer le nouveau processus, dans le fond. Fait que idéalement, comme tu disais, 2020. J'avais en même temps. Pour être safe. Adrien, quelque chose? On a hâte d'écouter ça avant 2020, je l'espère. Bon, ben sur ce, moi je vous dis une bonne soirée. Yes, merci. Et on s'en voit une autre fois. Peut-être à la chaise galerie comme dans le temps. Oui. Beaucoup. Salut là. C'est bon, merci. Hey, non, hey. Oui, c'est vrai. Quelle pièce vous aimeriez qu'on fasse jouer? Celle que tu veux. OK. Fait que, on va y aller avec Reggae Dance. et c'est une interview pour les Bonnets Rouges et Skoy Panka sur C'est Fou. Et on a avec nous The Tomorrows aujourd'hui, qu'on a découvert ici même au Puzza Palooza, voilà, que je n'ai pas d'étude sur le nom. Et on vous a découvert, et j'ai envie de dire, le plus simple, je pense, pour les auditeurs, ce serait que vous décriviez ce que vous faites un petit peu. Ouais, ouais. La question du style, toujours, les influences, qu'est-ce qu'on fait. On a des influences rock, du vieux rock, du punk rock, du post rock, avec ben du rock, dans le fond. C'est ça. Du gros rock. On essaie de mettre de l'ambiance sur de l'énergie pour essayer de... On essaie de créer un peu qu'est-ce que ça nous tente de faire par rapport à nos influences et pas de se mettre de limites. Ça finit par être une espèce de pop-punk rock avec des touches de post-rock dedans, mettons. Ça, sûrement pas du rap, là, mais... C'est ça. Depuis combien de temps que vous existez? Ça va faire 10 ans en 2015. On n'est pas vraiment connu, pas cadeau. C'est votre combienième album? L'album s'appelle... Synesthésia. Synesthésia, oui. C'est le premier en tant que de Tomorrow's en tant que tel, mais avant, on avait d'autres noms de bands. C'est arrivé, là. On a eu plus de 20 enregistrements qu'on a tout le temps fini par scraper, mais à toutes les fois qu'on a fait ça, on a changé de nom pour le prochain album. Fait que là, finalement, on se ramasse avec notre premier album qu'on a assumé et qu'on a vraiment travaillé très, très, très longtemps dessus. Et vous êtes basé à quelle ville? Il y a une ville qui pourrait peut-être... Ben la ville dans le port où on jamme, c'est à notre studio à Le Gardeur. Fait qu'on pourrait dire que c'est notre hometown de band, mettons. Il y a des bands qui veulent se faire enregistrer High Street Studio. Ouais, je vais le faire, moi. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi pour l'album, j'aime beaucoup la pochette avec le contraste des couleurs. Je pense que pour les auditeurs, vous ne le voyez pas. Allez directement sur leur... je ne sais pas, site internet, Bandcamp ou autre. Je vous laisse donner carrément les informations pour retrouver ça. Facebook ou Bandcamp. Vous marquez de Tomorrow's Bandcamp, vous risquez très fortement de tomber sur notre musique sur Bandcamp. Ouais. Et de voir ce magnifique cover d'album. Ouais, mais il y avait un concept. Il y avait un concept avec l'album. Ouais, presque tout, tu me dis que d'ailleurs, c'est notre bassiste qui a fait la pochette, tout ça. Dans le fond, c'est nous qui s'autoproduit complet. Là, ouais, c'est ça. Le concept de l'album, en fait, c'est qu'on faisait nos tunes et on savait pas vraiment comment les appeler. Fait que on nous inspirait toutes des couleurs. Fait qu'on a fait le concept dans le fond. Fait que la 1, c'est la rouge. C'est la rouge. La bande de couleurs est le titre, en fait. Donc la 1 est rouge, la 2 est orange. Quand vous mettez l'album à l'ordinateur, dans le fond, c'est les codes couleurs qui ressortent comme les titres de chansons. Okay. Les codes couleurs d'infographistes, si on veut. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous inviteriez le monde à vous envoyer finalement les titres que eux verraient pour les morceaux à la limite? Ben peut-être pour un autre genre de concept là ou... Mais ouais, ça pourrait être cool, pareil. Comme test, nominez-nous. À moins que eux ils trouvent que la rouge ça sonne comme la jaune ou tu sais, même qu'on voit ça là. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle couleur elle évoque pour vous qui l'écoutez objectivement. Là. Nous, elle évoque une certaine couleur en particulier, mettons la rouge, elle évoque la rouge, mais ça veut pas dire que pour d'autres personnes, ça va être ça, là. C'est le feeling. Ça serait écœurant si tout le monde la voit à la même couleur. Ouais, ça c'est clair. Ça veut dire qu'on aurait plus juste, là. Sinon, tantôt, à vous entendre, on dirait que c'est plus comme l'anglais que vous utilisez comme langue. Est-ce qu'une tour en français, ça pourrait arriver ou... Oui. Écrit en français, j'écris en français. Un jour, ouais, ça risque d'arriver. Quand, je sais pas, on se fait pas vraiment de pression là-dessus parce qu'on dirait que... Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que la part des bandes qui fassent ça. C'est vrai, c'est correct, c'est louable. Mais un jour, je ne sais pas quand. Ça va venir. Ouais, je pense que... On attend de trouver le texte en français qu'on veut vraiment assumer pour être le point tournant, dans le fond, justement, pour s'en aller vers ça. On en écrit, on n'est pas tout le temps certain est-ce que ça va rentrer dans notre espèce de cadre rock, puis les prononciations, c'est ça. Ça sonne un peu louche, si tu peux. On voit ce que je veux dire là, dans le fond, quand on essaie de les mettre sur nos instruments autour, on dirait qu'il manque un petit quelque chose parce qu'on est habitué de faire les tunes en anglais pour la sonorité surtout. Okay. Puis, je résume, au début c'était un peu pour se cacher en quelque sorte, c'est mettre un filtre entre nous puis les autres, puis peut-être moins assumer nos mots. De plus en plus, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus en plus assumé, donc c'est Gaïr qui fait ça. Est-ce qu'il y a un label qui vous a approché du Québec présentement ou pour l'instant vous êtes vraiment comme DIY? Non, on est DIY. Parce que depuis DIY, on produit nos albums, on les mixe, on les master, on fait les concepts visuels, c'est tout nous qui l'a fait. les dépenses d'argent, c'est nous aussi. On n'a pas de subvention, là. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite une très bonne et longue carrière. Merci. On s'en souhaite une aussi. Et je vous dirais, à la limite, après cette interview, quel est le morceau voudrait qu'on vous fasse écouter aux auditeurs? Je dirais avec la verte. La verte? Ouais. Ça sera la verte. Alors, on va enchaîner avec la verte. Alone on Ouais. Alors, vous écoutez toujours Sky Punka sur les ondes de C'est Fou. Et pourquoi je dis toujours? Eh bien, c'est parce que pour ceux qui viendraient tout juste de sintoniser le 89.1 FM, eh bien, l'heure dans l'heure précédente, c'était normalement, mettons, l'heure des bonnets rouges, ou plutôt le retour des bonnets rouges à la bonne heure pour les bonnets rouges. Mais Adrien n'était pas là pour vous aujourd'hui. Et puisqu'on avait fait une multitude d'entrevues communes lors du Puzzapalooza Fest, qui a eu lieu la fin de semaine passée à La Valterie, très bonne place, soit dit en passant, c'est super. La place pour le show, c'est compris entre l'église là, et jusque le bord du fleuve. Donc, en théorie, là, tu peux même arriver là avec une chaloupe, là, pêcher, puis aller voir le show en même temps, puis retourner chez vous en chaloupe. Ouais. Avec une caisse de bière, ben ça, je suis pas sûr, par contre. Ouais. Bref. En tout cas, très bon festival. Là, on a découvert plein d'affaires. Ben, faut dire qu'on connaissait pas mal toutes les bandes qui étaient là. Mais il y a Tomorrow's, le groupe avec lequel on a fait la dernière entrevue, qui était, par contre, notre première entrevue de la journée, là. Mais dans la façon que je trouvais que c'était mieux de les placer, ben, ça a fini qu'on les a placés pour la transition entre les deux émissions. Et ça a vraiment donné, comme on pourrait dire en français de France, pile poil à l'heure. Ouais. Donc là, ça fait que nous allons continuer en musique avec The Casualties et la pièce We Carry On The Flag, qui est l'introduction, bien sûr, à la fois de l'album et de la chanson We Are All We Have. Et puis après ça, nous aurons Ripcords avec une de leurs bonnes vieilles chansons, la pièce Imagination, qui se retrouvait sur un de leurs albums que, comme la tradition le veut avec Ripcords, un titre très très long qui était Is That a Squidge in Your Pocket or Are You Happy to See Me? Bref, sur la pochette, ce qu'on voit, c'est que c'est une jolie punkette qui est en train de laver le pare-brise d'une voiture de policiers. Et là, les policiers, ils ont l'air vraiment joyeux de bien voir la jolie punkette leur laver leur voiture. Ouais. Et puis, après ça, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est vrai pour Ripcords. Ripcords seront en spectacle le 4 octobre à Montréal avec, bien sûr, The Prowlers. Mais également une très, très, très bonne formation française que j'apprécie énormément, Hors Contrôle. En parlant de Hors Contrôle, la semaine prochaine, je vais vous faire un genre de petit bloc spécial sur leur nouvel album, là, car il est vraiment très, très bon. Et donc, c'est ça, c'est pour souligner les 20 ans du Rush Montréal. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir trois journées de concert. Une première journée de groupes locaux. Non, c'est pas ça. Une première journée, ça me semble que c'est la mémoire est bonne, je crois que c'était avec des groupes hardcore. La seconde avec des groupes locaux de Montréal, à la fois dans le Oi et dans le punk. Et la troisième journée, qui est un samedi, eh bien là, ça sera avec des grosses têtes d'affiche, si on peut dire. Comme justement Hors Contrôle, The Prowlers. Il y a DOA aussi. Et oui, DOA, ça a l'air qu'ils sont revenus. Ils étaient supposés. Il me semble qu'ils avaient arrêté de faire de la musique. Voilà. 2 ans, en tout cas gros maximum 2 ans là. Et puis là, ils sont de retour. Également, en parlant de retour, les Ordures Ioniques, ça vaut la peine d'être vu, car maintenant, les Ordures Ioniques, mettons, le seul membre original, c'est V8, mais j'ai bien hâte de les revoir, les Ordures Ioniques, avec leur nouvelle mouture, avec justement Starbuck à la batterie, Nounours à la guitare et un autre nouveau aussi qui était à la guitare, que des dreads, en tout cas, sur les photos. Bref, en tout cas, toujours est-il que, pour parler du prochain bloc, après Ripcords, nous aurons US Bomb avec une de leurs vieilles chansons de Deadly Kiss qui était parue sur l'album Garibaldi Guard. Et puis, après ça, nous aurons une formation qui sera à Montréal pour l'Halloween, P-Turn de Testo Baby. Et pour Pierre et les bébés éprouvettes, nous allons entendre la chanson Transvestite. Donc, sur ça, j'arrête de parler et nous y allons sans plus tarder avec The Casualties que j'avais dédié à mon oncle André Rectum qui est en train de me faire des messages là, sur Internet. Allez, The Casualties, We all we have. Tout ça à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. We carry on the fight. While others

Pierre et les bébés prouvettes. Non, mais c'est quand même drôle qu'on dit en français « Peter and the Test Tube Baby ». C'était la chanson « Transvestite ». Juste avant ça, on a vu le Casualties au début du bloc avec « We Carry on the Flag » s'enchaînant avec « We Are All We Have ». Puis après ça, on avait eu « Ripcords » avec « Imagination » et « US Bomb » avec « The Deadly Kiss ». Prochain bloc, bloc de musique d'enfant pour la petite Ablouin, c'est-à-dire Corinne. Fait que pour Corinne Blouin, on va avoir The Toy Dolls. Là, c'est le temps de trasher dans votre garage, là, Martin. Avec la pièce My Wife's a Psychopath, qui s'enchaînera avec Operation Ivy et Bombshell, ainsi que Blank 77 et Chelsea Girls. Tout ça uniquement à Skypunka, sur les ondes de C'est Fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. Wait for my blind date, I did not sleep that night. Could I catch the perfect match? Would she be Mrs. Wright? A quiet lass, so middle class, dignified, meek and mild. I faced the wrath of a psychopath and a woman that went wild. Before too long, it all went wrong, she went the one for me. But I was trapped when I got slapped by a raving loony. Bathroom. My wife's a psychopath. Oh, my Yeah! Et à la demande de Martin Blouin, eh bien, on continue ce bloc avec du Blink 77 à la pièce Punk and Skin pour Corinne. Allez, Corinne, continue à mettre le garage de ton papa tout à l'envers. Allez, trash comme un bulldozer! Let's riot tout le monde avec les Blink 77 en background. Alors, tout juste avant le message publicitaire, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a vu pas mal de choses. On a eu Toy Dolls avec My Wife of Psychopath, qui a été suivi de Operation Ivy avec Bombshell, et le Blink 77 avec Chelsea Girl ainsi que Punks and Skin. Et puis, ça m'amène à vous dire que côté spectacle, ben, le 20 septembre à Montréal, au Catacombes, il va y avoir Die Glow Abortion avec Mutank ainsi que les Rectum et Serial Killers qui seront en spectacle. Fait que si ça vous tente de voir la légende que sont Die Glow Abortion, eh bien, rendez-vous au Catacombes le 20 septembre. À 19h, c'est un spectacle à ne pas manquer. Et n'oubliez pas aussi le Rebellion Fest, qui va souligner les 20 ans du Rushmore-Royal. Ça va avoir lieu, de mémoire comme ça, 2, 3 et 4 octobre. Le 4 octobre étant un samedi avec Hors Contrôle en tête d'affiche. Show à ne pas manquer. Sur ça, nous autres, on y va en musique. Avec Bad Manners et la pièce Heavy Petting, The Adjuster avec la chanson Loose Roots. Après ça, Frambator avec Bulletin Spécial et The Planet Smashers avec Dark Personality, extrait de leur plus récent album qui s'appelle Mixed Messages. Allez, allons-y avec Bad Manners. was before them in this. But you can't free the people with struggle. No, together. Spécial des francs bâtards, attention, nos informations savent à informer. En effet, nous nous donnons le mandat d'informer, mandat est constaté. Notre constat est loin d'être à l'ami à constat des factions, des grandes sociétés, au budget qui dépasse l'entendement, où les riches écrasent le monde. Dans ce monde où seulement 1% contrôle richesse et argent, armé de nos paroles jusqu'aux dents, il est temps de trouver un traitement. Nous n'accepterons plus jamais leur agissement, leur agissement. Certains sont en train de se défendre, je suis tenté de dépeindre ce qu'ils sont en train de tout prendre. Ils ont tenté de nous peindre pour quelques comptes à rendre, soi-disant plus rien à craindre. Ils n'ont raison plus qu'à attendre gentiment et sans se plaindre. Mais avant qu'on le donne un prix à tout, il faudra à tout prix jouer l'atout de notre quantité, de nos qualités. Face à l'austérité qui jamais ne s'est tuée, tantôt prête à tout, tantôt que feras-tu si elle te jette au trou de Wehai. On n'a pas entendu parler. Et tous les enfants grandissent dans ce monde déprimant dément, plein de mensonges démons. Qui les démantèlent, les démontent. Il faudra leur dire que dans un film d'action, aucune morale quasiment. Que la beauté ne correspond pas à la plus fausse sous-vêtement. Et hi yo. Il a dit comme ça, là c'est volé, il faut livrer. Et malgré les sables, il faut les manquer dans son jet. Il a dit comme ça, là c'est volé, il faut livrer. Et malgré l'idée à vous, d'un bon semaine, le bout de sa roi, dis-le. Jusqu'à la mer va couler, jusqu'à la mer va couler. D'un bon semaine, le bout de sa roi, dis-le. Sa roi, dis-le, salé, dis-le, salé. D'un bon semaine, le bout de sa roi, dis-le. Jusqu'à la mer va couler, jusqu'à la mer, ouais, jusqu'à la mer. D'un bon semaine, le bout de sa roi, dis-le. Sa roi, dis-le, salé. Ce village mince, ça nous plairait. La dissible pas, mais si t'y vais pas, considéré dangereux, tu l'es. Comment l'oubomba, sinon sans gara. Ouais, aïe, tu la zone main, ça nous plairait. La dissible pas, mais si t'y vais pas, considéré dangereux, tu l'es. Comment vous t'y fais là, mais quand t'y mandes là. Corruption ouvertement, correct. Esclavagiste accepté, mais c'est correct. Tant que le disque est éloigné, correct. Maître du monde de la médiocratie, de la méritocratie, de la nouvelle aristocratie. Roi et reine payé par notre quête de grandeur, par notre quête de bonheur. Brisons ces têtes en costard, car il sera bientôt trop tard. Car il sera bientôt trop tard. C'est tout ce que l'FMI et la Banque mondiale font au Ghana. Ils ont interdit la rizière locale et privatisé l'eau. Les prix vont hisser quant à l'usage de l'eau. Mais cela profite à qui apporte du riz dans le pays. Sais-tu ce que la France et les États-Unis font au Mali? Sais-tu? Apparemment un super plan pour contrer les Chinois. S'accaparer le travail du temps sur une pierre qui brille. Pense au Canada, au RTC, au Rwanda. L'Occident tente à inciter les pays fragiles, insistant, occupant ou explosion d'une guerre civile. Même ils, alliance, pacte, traque, trahison. Petit homme braque une banque et on le jette en prison. Dans la banque finie dans Gaza, mais ça brûle à les gaz, les gaz, les gaz, pour l'argent. On a oiseau même les pas quand c'est un beau tout, non, mais c'est facile pour toi contrôler. Ça même le gros dégât à l'argent, ça même le yam gâtelé. Illumine vos pensées. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas. Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas. Beaver Club et Sagar ne sont que deux exemples répertoriés de ce qui doit être montré. Jusqu'à quand ça virait, jusqu'à quand ça virait. Il est temps de s'informer. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas. Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas. Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas. Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas. Qui parle, il connaît pas. Né, vieille, il meurt et vitra. Il contrôle, illumine et détruit. Né, détruit. Qu'est-ce t'as cru? Cette carcasse pleine de l'eau, bonne fête et qu'un cylindre, il y bat sous battant salaud. Où ça la vie donne la mer, si bon son sort pas dans le bureau, va les renvoler, augmenter à sa quête derrière son bateau, raide pris d'un fil et profiter. Il a dit comme ça là c'est volé, il faut l'hiver. Et malgré lui ça n'y voulait marquer dans son jet. Il a dit comme ça là c'est volé, il faut l'hiver. Et malgré lui il vient fou. La grosse main de vous arroyez-le. Jusqu'à la mer va couler. Jusqu'à la mer va couler. La grosse main de vous arroyez-le. Arroyez-le salé. Dis-le salé. Ouais. La grosse main de vous arroyez-le. Jusqu'à la mer va couler. Jusqu'à la mer. Ouais. La grosse main de vous arroyez-le. Arroyez-le salé. Sur la maladie du sida, dont déjà l'impression c'est qu'ils subissent l'incident. Incident tâchant de devenir aussi con que ceux qui disent qu'en Afrique les faits sont coïncidents. Alors décidons que ceux qui doivent être jugés le soir. Et d'ici là, rangeons notre esprit dissident. Ne se ment pas les celles de l'information, mais plutôt celles scellées qui plisaient pour une raison. En s'en sortant de la fiction, l'enjeu est le taille. Nous formerons la faille, c'est qu'amènera la fiction fière et solide. Comme la maille, comme la maille, comme la maille. Jusqu'à quand ça virait, jusqu'à quand ça virait. Mais comment tout le monde ça fait, certaines arrêtent son côté. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas, ne pensez pas qu'ils ne savent pas, ne pensez pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils valident pas, ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas, qu'ils valident pas. a modest like nobody's business. You bet all you have that the woman will give this. Why can't you see there's another way to be? Everybody knows you've got a dark personality. Why can't you see there's another way to be? Shine so light on your dark personality. Yeah! Yeah! Les Planet Smashers avec la pièce plutôt Dark Personality. Juste avant ça, on avait Bad Manners avec Heavy Petting, The Adjuster avec Loose Roots, ainsi que Front Bâtard avec Butin Spécial. Bloc qui était dédié à un très très très grand amateur de ska, mais qui apparemment sa maison a été vraiment détruite par le trash de sa fille. Je parle bien sûr de Martin Blouin et de Corinne là, qui a tout détruit en trashant sur du Blink 77 tantôt. Mais là, la question que la destruction soit totale là, dans la piole et que là, Martin soit pogné pour encore travailler 2 ans sur ses rénovations, eh bien, je vais dédier encore un autre bloc à sa petite fille Corinne. Fait que là, c'est le temps de trasher, là, hein? Oublie pas, là. Vire tout à l'envers dans la maison, là. Ou presque. Pas la toilette, ça, c'est pas chic, là. Donc là, on y va avec Screeching Weasel, et la pièce Camelas Tonight, Screeching Weasel, qui sont en spectacle ce soir à Québec, mais je les manque! Ça me touche. Mon frère les voit. J'espère que c'est bon pour toi, Alex Screeching. Parce que j'aurais aimé ça les voir, moi aussi. Là, je les manque. Ça serait pour une autre fois avec Screeching Weasel. En espérant que ça serait avec The Queers. Ça serait le duo infernal The Queers et Screeching Weasel en même temps. C'est quand même de vous dire que après ça, nous allons avoir The Queers avec Cut It Dude. Et finalement, pour le prochain bloc, The Addicts avec I Love You, But Don't Come Near Me. Paru sur leur album portant le nom de Life Goes On. C'est comme quand ta maison elle se fait détruire par un trash trop intense de ta petite fille. Life Goes On, dude! Allez, allons-y avec Screeching Weasel. To be in a lovely home, called Nick Rock, we're on the phone to MC Indiana Jones. We played and slotted from him and we'll take advantage of her and won't even ask to put my pants. My stats, I'm such a dick. Around. I'm asking you on the new knees, change. Ah, question de se mettre downbeat, tu sais, puisque je manque Screeching Weasel ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au cours des dernières minutes? Eh bien, nous avons eu justement Screeching Weasel avec Kamala's Too Nice, The Queers avec Cut It Dude, parce que quand tes cheveux sont rendus trop longs, faut que t'es coupes. Et puis après ça, The Addicts avec I Love You, But Don't Come Near Me. Et maintenant, nous enchaînons avec deux nouveautés venant de l'Europe, d'une compilation qui portera le titre de Society of Noise. Et puis, ça sera composé de la formation Monkish avec Please Don't Piss in My Microwave. J'avoue que pisser dans un micro-ondes, ça, j'aurais peur de pogner un choc électrique. Mais. Et puis ensuite, nous aurons Buck et Egypt avec la chanson Cameron, you cunt! Ça, c'est vraiment vulgaire quand même. Ouais. Et puis, ça serait suivi de la formation allemande Broiler, une de leurs nouvelles pièces que j'ai même pas pratiqué à prononcer. It will, Iron Nitch Sin. Ouais. Fait que, quand Adrien des bonnets rouges serait là, là, j'ai dirais de le dire comme du monde. Parce que lui, au moins, il a eu des cours d'allemand. C'est que je n'ai pas eu. Et puis après ça, vous aurez Los Fastidios avec la chanson Sharp, extrait de leur très bon vieil album Continuamos Olivoy, que je m'étais procuré à Montréal quand ils étaient venus au Oifest 2 en 2001, je pense. Allez, sur ce, allons-y en musique avec Monkish, c'est ça, Monkish, et ne fais pas pipi sur mon micro-ondes à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Up like lumps of meat, you let us down. You know it's true. Watch your back, we're coming after you. Sick of all the trouble and the strife. I've always fucking struggled, I've done it all my life. Cameron, you cunt, give us what we want. We'll kill your kids, we'll fuck your fucking wife. There could be trouble out on the streets. We'll string you fuckers up like lumps of meat. You let us down, you know it's true. Watch our back, coming after you. Sick of all the trouble and the strife. I've always fucking struggled, I've done it all my life. Cameron, you cunt, give us what we want. We'll kill your kids and fuck your fucking wife. Woohoo! Trouble out on the streets. We'll string you fuckers up like lumps of meat. You let us down, you know it's true. Watch your back, we're coming after you. Sick of all the trouble and strife. I've always fucking struggled, I've done it all my life. Cameron, you cunt, give us what we want. We'll kill your kids and fuck your fucking wife. Sick of all the trouble and the strife. I've always fucking struggled, I've done it all my life. Cameron, you cunt, give us what we want. Kill your kids, fuck your fucking wife. Sie bringen die Koffer und auf ihrem Weg verlieren sie Inhalt und Identität. Ich hatte ein Boot und ich hatte ein Haus. Ich hatte Sonne, alles was ich brauch. Doch sie hatten Bomben und sie machten uns Angst. Von dem was ich hatte, blieb nur der Rauch. Das, was ich damals lernte, das, was ich weiß, ist hier vollkommen ohne Bedeutung. Hier sind alle gleich. Gleich wenig willkommen, gleich wenig beliebt, gleichermaßen umkämpft, ein bisschen wie im Krieg. Offene Arme, Tritte vor die Tür. Ich mag dich sehr, aber nicht hier. Lostfan Studios avec HRKRP, c'est devenu Sharp, extrait de l'album Contunamo su di voi, paru au début des années 2000 sur Contro Agni Bastaria Record. Hein? Bien dit ça. Et si on recule de trois pièces juste avant cela, eh bien, on a eu tout d'abord Monkish avec Please Don't Piss in My Microwave, ainsi que Buck et Jet et la chanson Come Around You Cunt, pièce que vous retrouverez sur la prochaine compilation Society of Noise. Et puis après ça, on avait eu le groupe allemand Broiler avec la chanson qui tire beaucoup vers le New Wave, Ich Will Er Nichten. Ça ressemble à ça le titre. Broiler qui ont commencé au début de leur carrière dans un mélange de oi avec du ska et du reggae. Maintenant, ils ont intégré beaucoup plus de sonorités, si on pourrait dire. La pièce qu'on a entendue, elle est extraite de leur album, en fait, de leur plus récent album sorti cette année, qui s'appelle Noir. Et c'est un album assez lugubre, je vous dirais. Ça porte vraiment, il porte vraiment bien son nom, cet album-là. C'est un album assez lugubre, mais qui s'écoute très bien. Ouais. Sur ce, maintenant, on va continuer en musique avec les Ramoneurs de Menhir et la pièce Sonar Jivuar. Ça ressemble à ça le titre, c'est en breton. Puis le breton, il est pas là pour les prononcer non plus. Et puis après ça, on aura Jenny Roux. T'as Jenny Roux qui sera en spectacle bientôt à Montréal aux alentours de la mi-septembre. Pour Jenny Roux, on va entendre la chanson Alberta Ryan, Alberta Rose. Car Jenny Roux, elle vient d'Alberta et elle aime bien l'Alberta, même si elle est rendue à Moscou. Et puis après ça, nous aurons Craftman Club avec la chanson Hold Out Your Hands. Et ça sera suivi de Flogging Molly avec Devil's Dance Floor. Je vous rappelle que vous écoutez Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et avant de passer en musique, on se laisse avec la fin de la pièce de Los Fastidios qui joue en background depuis tantôt. Non c'est justicia per ragazzi come noi, cari sciocchi siamo noi. Yeah. to the lost soul. Me. Color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. But I'll just dance it, I'll the devil's dance floor. Well, swing a little more, and then there we go. Swing a little more next to me. Swing a little more, and then there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Pressed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and a fatter was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now, I'm the devil's dance floor. Well, swing a little more. C'est fou! Spécialement, comme je le dis souvent, pendant une émission portant le nom, je crois, de Sky Ponka, là, une affaire comme ça. Alors, tout juste avant la gang de messages publicitaires, on a eu les Ramoneurs de Menhir avec Sonar Géviac. Ça ressemble à ça, là. En tout cas, je peux vous dire que c'est la première pièce qui est extraite de leur tout nouvel album. Tout nouvel album, qui porte le nom de Tanar Bob. Donc, un très bon album des Ramoneurs de Menhir. Et après ça, on avait Jenny Rue avec Alberta Rose. Jenny Rue qui sera en spectacle la semaine prochaine à Montréal. Si vous voulez la voir, dépêchez-vous d'aller la voir parce qu'après ça, elle retourne à Moscou. Parce que c'est là qu'elle travaille, Jenny Rue. Et puis après ça, eh bien, on avait eu The Craftsman Club avec Hold Out Your Hands, ainsi que Flogging Molly avec Devil Dance Floor. Maintenant, on continue avec un groupe du Brésil qui parle d'une chanson d'un punk qui se fait piquer sa blonde par un rockabilly. La chanson porte justement le titre de rockabilly. Et c'est extrait de l'album Atox d'Atox, paru cette année. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons, si on restait un peu dans le même genre, The Farrell Bros avec la pièce I Walk a Fairy Line, qui sera suivi des Sheriffs avec Arrête de boyer, et les Dalton avec Ce n'était qu'un rêve. Mais non, c'est la réalité, c'est Sky Punka. Allez, on y va en musique avec Atox et Rockabilly à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Let's go! Yeah! Atox! J'ai tout essayé, j'ai été gentil, je lui ai même tout. chaque fois que je vais à dormir, ce qu'on me réveille, tu penses à la vie de dire. Moi je m'assommeille, mais ce putain de clébard me fait le coup chaque soir. Ce putain de clébard, je commence à n'avoir pas le dos. Et pourtant j'ai tout essayé, j'ai été méchant, je lui ai même tourné des coups de pied dans les temps. Mais ce putain de clébard, il a rien voulu savoir. Ce putain de clébard, je commence à n'avoir pas le dos. Pas le dos. Ouais, les Dalton avec Ce n'était qu'un rêve, extrait de leur album éponyme. Ça fait un bout que j'ai peu de nouvelles des Dalton. Je me demande s'ils existent encore. Si jamais vous existez, les Dalton, et que vous avez fait d'autres matériels, rentrez en contact. C'était vraiment bon, votre album éponyme. Et puis, son recul de trois pièces avant les Dalton, on avait Atox du Brésil avec la chanson Rockabilly, qui a été suivie des Pharrell Bros avec I Walk a Fairy Line, ainsi que les Sheriffs et la pièce Arrête d'aboyer. Maintenant, il est rendu vraiment l'heure de se quitter. Je fais ça vite, question de pouvoir passer tout ce que je veux passer. On s'en va avec Dieglo Abortion et la pièce I Used to Be in Love. Dieglo qui seront en spectacle à Montréal aux Catacombes en compagnie des célèbres Rectums de Trois-Rivières, c'est-à-dire le 20 septembre, c'est ça, à 19h. Ne manquez pas ça aux Catacombes qui sont situées au 1635 Saint-Laurent à Montréal. Après ça, Bouddha Bulldozer avec la chanson ACAB. Parce que All Coppers are Bastards, spécialement quand tu fais du vélo à Québec, watch out, ils vous reculent dessus, ils vous écrasent. Puis, il vous arrive un méchant malheur comme le gars qui est mort à cause qu'il s'est fait écraser par des polices. Ouais, pauvre gars, ACAB pour toi. Après ça, Scarmento avec Pazanos Dias, qui nous viennent d'Italie, et une autre formation d'Italie, Senza Frontiere, la pièce La Vostre Star. Tout ça à Skypunka, sur les ondes de C'est fou. Et je vous dis bye-bye à la semaine prochaine pour une autre émission. Toujours entre 21h et 23h. Et n'oubliez pas que les Bonnets Rouges sont maintenant rendus le vendredi de 20h à 21h, juste avant moi, en question que... Je sais pas, je gaze un peu le barbu, là, comme d'habitude. Bye-bye tout le monde! À la prochaine! Et d'ici là, continuez d'être belle et d'écouter de la bonne musique qui porte le nom de punk. Bye! À la semaine prochaine! Dieglo Abortion. a tu alrededor. Perdido entre desidia y confusión, paso ahora a descoitar lecciones de falsos dioses de esta religión. Falaces me decando cometo, ¿dónde puede esta nueva inquisición? Os días de justificar los días, las buscas que sin nada en herencia. Paso el tiempo de soltar bellos salmos, de seguir a doctrina, de discursos de misa. Paso el tiempo. Pasan los días, escuchando mentiras, sogando a ciberdeuses, a falsos mesías. Pasan los días. Dejando cometo, ¿dónde puede esta nueva inquisición? Los días de justificar los días, las voces que se inhalan herejía. Las cosas no se me llan ir mejor, valió que el tiempo nos dé a razón. Alguien sin nada vende a su esquina, en un duvida que en poder ya vida. Pasó un tiempo de escuchar bellos salmos, de seguir la doctrina, de discursos de misas. Pasó un tiempo. Ciberdeuses, a falsos mesías, pasan los días. Pasó un tiempo de soltar bellos salmos, de seguir la doctrina, de paso el tiempo. Pasan los días, escuchando mentiras, jugando a ciberdeuses, a falsos mesías. Pasan los città e voglio per tempi si danno al punk, giovani ribelli che si danno da fare, a cui interessa solo proprio lui. Oi! Dove è finita quella genuinità? Il tempo di una volta, ora non c'è più. Poche fanzine resistono ancora e sputano sangue per la nostra passione. Stiamo cercando, stiamo cercando, state cercando, state cercando, niente più nulla per le nuove generazioni. Dateci il nostro stile, il vecchio punk, la voglia di concerti e di semplicità. Dateci il nostro stile, il vecchio punk, la voglia di concerti e di semplicità. Etichette che diventano come monopoli, vedo che sono le poche realtà, sputano sangue ragazzi come noi. Stiamo cercando, stiamo cercando, state cercando, state cercando, niente più nulla per le nuove generazioni. Dateci il nostro stile, il vecchio punk, la voglia di concerti e di semplicità. Dateci il nostro stile, il vecchio punk, la voglia di concerti e di semplicità. We'll be right back. Dans tes chiens.